À l'écoute de nos programmes, tout de suite sur la première, c'est Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Sur lesjours.fr, nous lançons une nouvelle obsession. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste, mais c'était à cause de Tintin. On n'est pas un média slow. On est deep. On a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading. C'est cette envie de plus être dans le saupoudrage d'informations, dans l'écume. Ça m'a toujours agacé quand je recevais des commandes et qu'on me décrivait la photo que je devais faire. Cette semaine... Bienvenue dans ce nouveau live des jours.fr. On est une fabrique à histoire vraie, en fait. Les jours. Nos séries, on les appelle aussi des obsessions. Invention et naissance d'un média. J'ai toujours pensé qu'un bon papier pouvait presque se chanter. On va pas faire toute l'actualité, mais ce qu'on va faire, on va le faire bien. Pour pouvoir faire de l'enquête journalistique, l'un des moyens d'y arriver, c'était plutôt de travailler sur des problématiques qui étaient liées à la justice. C'est choisir le bon mot. Je crois pouvoir dire qu'on peut passer une heure ou deux sur un titre, c'est arrivé. Le bon verbe, c'est très important, le bon verbe. Un sujet, quand on arrive en amont, vous arrivez quelque part avec des idées préconçues. Mais ce sujet, au fur et à mesure qu'on le travaille, eh ben, y a des choses qui se confirment et d'autres pas. Très concrètement, là on est devant la mairie du 11e. Les entretiens se passent à Bry-sur-Marne, à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et donc, si on le souhaite, il y a une petite camionnette, un petit van qui nous attend ici pour aller nous emmener. On a un problème sûr avec le réchauffement climatique parce qu'on s'aperçoit quand on regarde les premiers jours de vendange. Toutes les décennies, on a tendance d'avancer un jour, deux jours ou trois jours. PM390047 a rejoint le bateau entassé dans un zodiaque avec des dizaines et des dizaines d'autres personnes. Plusieurs allers-retours ont été nécessaires pour embarquer près de 800 passagers sur le chalutier, destiné à en accueillir à l'origine une trentaine. Pour une place sur le pont, il a fallu débourser $800. Pour embarquer dans la cale, le prix était fixé à $300. Voilà le type d'objet sonore que l'on peut découvrir sur le site lesjours.fr, un média total, imaginé en 2015. Aujourd'hui, rencontre avec une des journalistes de l'équipe qui va, se présentant à vous, raconter son mode opératoire professionnel. Je suis Camille Polony, journaliste au jour. Avant, j'ai travaillé pour Les Inrecuptibles pendant 3 ans, et ensuite pour Rue 89 pendant 3 ans aussi. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste, mais c'était à cause de Tintin. Tintin faisait des voyages autour du monde. Moi, je fais des voyages autour de Paris, plutôt. Alors, en termes de spécialité, en fait, moi, je travaille sur la police et la justice, les libertés publiques. Et au jour, en fait, toutes mes obsessions rentrent dans cette spécialité. Elles ont toujours un rapport avec la police, la justice ou les libertés publiques. Donc, depuis que je suis arrivé, moi, je suis arrivé au jour au moment du lancement, un petit peu avant le lancement, j'ai travaillé à cette époque-là beaucoup sur l'état d'urgence, puisque c'était le début de l'état d'urgence après les attentats de novembre 2015. Donc à cette époque-là, j'ai surtout suivi des assignés à résidence. Donc des gens qui avaient été bloqués à domicile parce qu'ils étaient considérés comme potentiellement dangereux, radicalisés sur le plan religieux, et donc ils étaient contraints de rester dans leur domicile toute la soirée et toute la nuit, et de pointer 3 fois par jour au commissariat. Ce qui était une mesure nouvelle liée à l'état d'urgence, donc c'était au départ eux que je suivais. Et puis depuis 3 ans au jour, j'ai travaillé sur d'autres sujets aussi, hein. J'ai travaillé sur des procès de policiers, j'ai fait une série de chroniques d'audience de procès de policiers pour différents délits, souvent des violences, mais pas uniquement. Et puis j'ai travaillé sur les relations entre la police et la population dans une petite ville à côté de Paris qui s'appelle Aulnay-sous-Bois, après une affaire qui a été très médiatisée en France, qui est l'affaire Théo, l'affaire d'un jeune homme qui, pendant son interpellation, avait été blessé par les policiers qui l'avaient interpellé. Et j'ai travaillé aussi sur la mobilisation contre la loi travail en 2016. Aujourd'hui, en fait, je travaille sur une obsession qui concerne l'arme de service des policiers. Nous allons justement en parler. Camille Polony, vous indiquez dans votre papier sur l'arme, un des moyens de pouvoir déconstruire un peu les représentations que l'on peut avoir quand on a le mot flic, pour le faire court, c'est-à-dire policier, gendarme, en tout cas en France, essayer de dépasser toutes les idées reçues, héritées du cinéma, du polar, de ce qu'on veut. C'est comme si on épluchait un oignon, quoi. Enfin, il y a énormément de couches, énormément de... Alors vous, ça s'est fait comment? Vous avez appris sur le tas? Oui, moi j'ai pas fait de droit, j'ai pas de connaissances particulières de la police ou de la justice. qui serait héritée de mon enfance ou de mon adolescence. En fait, ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait en commençant le journalisme, et ce qui m'intéresse toujours, c'était en priorité l'enquête journalistique. Et je me suis rendu compte en commençant à travailler que pour pouvoir faire de l'enquête journalistique, ce qui est quand même de plus en plus rare dans les journaux, l'un des moyens d'y arriver, c'était plutôt de travailler sur des problématiques qui étaient liées à la justice et à la police. Donc c'est des univers que j'ai découverts un petit peu au fur et à mesure. Je me souviens que l'année où j'ai commencé à travailler en 2009, il y avait une réforme de la garde à vue, par exemple, en France. Et au moment d'écrire sur la réforme de la garde à vue, j'ai dû tout apprendre sur la garde à vue, puisque je savais pas, en fait, combien de temps ça durait exactement, quels étaient les droits d'un gardé à vue, comment ça se passait en pratique. Donc c'est un peu par petites touches qu'on apprend, qu'on se familiarise avec la procédure pénale, avec le déroulement d'un procès, avec le rôle aussi de chaque protagoniste dans un procès, et qu'on apprend... Et j'en apprends toujours, hein. Qu'on apprend le fonctionnement d'un service de police, ses missions, qu'on apprend à quoi sert chaque personne dans une enquête. Donc tout ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai rattrapé évidemment un peu de droit que j'avais pas appris à l'école, mais le droit est pas, même le droit pénal n'est pas nécessaire, ou c'est pas un préalable en tout cas pour travailler sur le sujet. Il suffit de poser des questions, de se documenter et d'essayer d'apprendre au fur et à mesure. Alors on va voir à quel point la Suisse a son petit rôle à jouer dans la police française, plus précisément dans l'arme détenue par les policiers et les gendarmes depuis le choix d'un président de la République. Je vais vous laisser nous présenter tout ça. Je peux juste résumer la chose avec un nom, un titre. Six Hour Pro 2022. C'est un pistolet qui contient 15 cartouches. C'est ça. Je vous laisse faire la suite. C'est un pistolet qui a été choisi pour la police française en 2002-2003. Avant de choisir le Six Hour, en fait, les policiers en France avaient des pistolets différents selon les services. Il y avait beaucoup de modèles, beaucoup de marques différentes. Et en 2002, il y avait un ministre de l'Intérieur en France qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Qui ça, Nicolas Sarkozy? Oui, oui, ça me dit quelque chose. Oh là là, c'est vieux. Il était à l'époque ministre de l'Intérieur et il avait décidé d'harmoniser l'arme de tous les policiers et gendarmes français, et aussi les douaniers d'ailleurs, dont on parle moins dans cette série, mais qui sont aussi équipés du Six Hour. Ça répondait quelque part à une volonté politique du ministre qui avait décidé de faire revenir la gendarmerie française dans l'escarcelle du ministère de l'Intérieur. Donc finalement, l'harmonisation de l'arme allait aussi avec une sorte d'harmonisation des professions. Et effectivement, Six Hour est une marque germano-suisse, l'un des plus grands fabricants d'armes de poing au monde. Et conception suisse, fabrication allemande. Et aujourd'hui américaine, puisque la production a été déplacée, mais pendant longtemps allemande. Et cette arme-là a été choisie après des tests, en fait, des tests de policiers, de gendarmes qui ont tiré de mémoire 750 000 cartouches de différentes armes pour sélectionner celles qui équiperaient les forces de sécurité françaises. Vous avez donc choisi, vous, de faire une série avec je ne sais plus combien d'épisodes. On en est à 5, mais il y en aura beaucoup d'autres. En partant de l'objet et en essayant, à partir de l'objet, de décrire quoi ? De décrire à la fois le quotidien des policiers, leur rapport à leurs fonctions et à leur place dans la société, parce que je pense qu'en partant de l'arme, en fait, qui est un outil qui est la source de beaucoup de fantasmes de la population et des policiers eux-mêmes, l'arme c'est mortel, c'est dangereux, c'est tabou quelque part, puisque ça incarne physiquement dans un objet le droit que les policiers ont d'exercer la violence dans des situations juridiques bien précises. Et donc en partant de cet outil-là, qui est le plus symbolique à mon avis dans l'équipement d'un policier, l'arme c'est... l'objet aussi de beaucoup de mythes, c'est-à-dire que on connaît mal en général les conditions dans lesquelles les policiers sont amenés à s'en servir, on connaît mal leur expérience, on s'imagine par exemple qu'un policier, comme un bon policier de cinéma, va tirer de nombreuses fois pendant sa carrière sur la voie publique. En fait, il y a beaucoup de policiers qui passent toute leur carrière sans tirer un seul coup de feu à part à l'entraînement. Donc c'est à partir de l'arme qu'on a voulu réfléchir en fait à la condition de policier, à la prise de risque que ça représente d'être policier, mais aussi au rapport à la mort, au rapport au danger, et presque au rapport corporel qu'on peut avoir avec sa fonction, puisque l'arme, bah voilà, ça se porte d'un côté, c'est lourd, ça pèse un petit peu, ça fait pencher le bassin, et quand on est amené à tirer avec, dans la vie de n'importe quel policier, c'est un événement au sens propre, quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, et dont on se rappelle en général toute sa vie. Donc on voulait voir comment ils apprenaient à s'en servir, quel rapport ils avaient avec leur arme, comment ils appréhendaient le fait de devoir un jour peut-être tirer et tuer avec. Camille Polony, vous avez donc rencontré... toute une galerie de personnages pour mener cette enquête. Parmi ceux qui vous ont répondu sur la question des entraînements, le nombre d'entraînements qu'ils peuvent connaître est extrêmement réduit. Oui, tout à fait. La formation initiale, comme on dit, la formation en école de police permet aux jeunes policiers de tirer une fois par semaine, donc c'est assez souvent. Ensuite, une fois qu'ils sont en fonction, ils ont trois tirs par an, obligatoires. Donc trois tirs de 30 cartouches à chaque fois, ce qui fait que la formation continue est assez réduite. Vous avez pu assister à un jour d'entraînement ? Oui, j'ai assisté la semaine dernière à un entraînement en école de police. Donc là, ce sont de jeunes policiers qui sont à l'école seulement depuis 8 semaines et qui ont tiré à balles réelles seulement 6 fois. Quand je suis venu les voir, c'était la 6e fois qu'ils tiraient à balles réelles. Donc un entraînement, c'est dans un stand de tir. Ça ressemble un petit peu à un gymnase. Il y a un sol vert avec des lignes pour délimiter les lignes dans lesquelles vont se placer les tireurs. Et puis, il y a un moniteur, bien sûr, qui donne la consigne, explique un exercice, puisque les exercices sont des mises en situation. C'est pas du tir statique où on reste chacun dans sa ligne et puis on tire tous à la suite. Les formateurs essayent de mettre les élèves dans un état d'esprit qui soit proche de celui qu'ils vont rencontrer dans la vraie vie. Donc ils leur expliquent, voilà, vous devez tirer derrière un obstacle, et puis cette fois-ci, vous devrez recharger, et ensuite vous tirerez deux cartouches et vous remettrez votre arme à l'étui, par exemple. Donc il y a tout un petit exercice qui a été conçu par le formateur. Donc j'ai assisté à ça, oui, mercredi dernier, à Reims. Vous avez déjà eu l'occasion de poser vous-même votre main sur une arme ? Oui. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un peu peur parce que, en fait, quand on sait pas vraiment s'en servir, on a toujours l'impression qu'un coup peut partir trop vite. Évidemment, on n'attrape pas une arme comme on attrape un stylo en la balançant dans tous les sens. Il faut faire très attention, donc ça nécessite de suivre un certain nombre de règles de sécurité qui sont un peu sacrées pour un policier comme pour un tireur dans le civil. Il faut ne pas diriger son arme, par exemple, en direction de quelqu'un d'autre. Et eux, ces jeunes policiers, quand vous les avez vus, comme la semaine dernière? Alors eux, ils avaient appris déjà très vite, puisque finalement, c'était leur 8e séance et leur 6e séance à balles réelles. Des vieux briscards, donc. Ils s'étaient déjà familiarisés un peu avec cet outil. On leur apprend aux jeunes policiers en priorité les règles de sécurité, donc ils étaient déjà dans une disposition d'esprit qui était assez avancée par rapport à quelqu'un qui toucherait une arme pour la première fois. J'ai pas perçu qu'ils en auraient peur ou qu'ils avaient une grande appréhension par rapport à l'arme. Par contre, ils étaient très sérieux dans son maniement. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez, Camille Polony, ce que c'est que le TUA. Alors je vais quand même éclaircir, le TUA, c'est le traitement relatif au suivi de l'usage des armes. Un cas extrêmement spécifique puisque vous travaillez sur les questions de la police dans le média lesjours.fr. Et le TUA, c'est un des chapitres extrêmement importants, tout à fait passionnant, mais je renvoie les auditeurs et ceux qui vont vous écouter maintenant, surtout à vous lire. Qu'est-ce que c'est que le TUA ? Le TUA, c'est un fichier qui est détenu par l'inspection générale de la police nationale. Donc c'est ce qu'on appelle en France en général la police des polices, c'est-à-dire les gens qui sont à l'intérieur de l'institution policière chargés de surveiller les agissements de leurs collègues et éventuellement de mener des enquêtes sur des fautes qui auraient été commises. Le TUA donc sert à répertorier dans un fichier tous les tirs qui ont été effectués par des fonctionnaires de police chaque année. Par exemple, pour l'année passée, 2017, le TUA compte 400 tirs à peu près, qui sont les 400 tirs que des policiers ont été amenés à faire dans la rue ou dans un domicile ou en intervention en tout cas l'an dernier. Et donc le fichier est composé de fiches qui décrivent les circonstances de chaque tir, qui explique le contexte et qui donne aussi le niveau de formation de l'agent qui a été amené à faire feu. On a affaire à des chiffres officiels, officieux? Alors aujourd'hui, on a des chiffres officiels puisque l'IGPN, dans cette inspection qui détient ce fichier, a décidé pour la première fois en 2017 de communiquer les chiffres, le nombre global de tirs qui a été répertorié dans ce fichier. Auparavant, en fait, c'était des chiffres qui étaient déjà officiels, mais qui étaient confidentiels, qui n'étaient pas publics, dont on pouvait avoir une trace parfois dans des rapports parlementaires. Quand vous dites auparavant ? C'est-à-dire jusqu'à l'année dernière. Comment se fait-il soudain ça ait changé ? Il y a une directrice de l'IGPN qui s'appelle Marie-France Monéger, qui est en train de quitter cette institution-là, mais qui, pendant son mandat, on va dire, a essayé de développer un petit peu l'ouverture des données publiques sur la police. Je pense dans un souci de rétablir un peu le dialogue avec la population et de montrer que la police pouvait être transparente. Donc c'était la première fois qu'elle donnait ces chiffres-là officiellement, même si ils étaient parfois retrouvables, mais très difficilement dans des rapports parlementaires ou dans des rapports non publics dont on a pu avoir connaissance parfois. Aujourd'hui, qu'elle a quitté l'institution, ou qu'elle est en train de quitter l'institution, on ne sait pas si ces chiffres-là vont toujours être rendus publics tous les ans, sachant qu'en France, sur les données policières, on est quand même très très en retard par rapport à d'autres pays sur l'ouverture des données. Un graphique est repérable dans un des épisodes de votre série, Camille Polony, et il permet de voir une courbe qui va évidemment en montant entre l'abscisse et l'ordonnée, mais se met brutalement, je crois que c'est à partir de 2016, vous me corrigerez, à grimper à une vitesse absolument vertigineuse, comme si tout d'un coup la fièvre s'était emparée du corps malade. Alors oui, alors les tirs sont en augmentation assez constante hein, sur les dernières années. Effectivement, il y a un pic dans les années 2016-2017. Ça, on peut l'attribuer à plusieurs facteurs, mais on ne sait pas exactement ce que pèse chacun de ces facteurs. D'un côté, les policiers invoquent une augmentation des refus d'obtempérer pour les contrôles routiers, c'est-à-dire vous passez en voiture à un barrage de gendarmes qui veulent vous contrôler, qui contrôlent l'alcoolémie, la vitesse ou autre chose, et apparemment, les forces de l'ordre constatent que beaucoup de gens maintenant ne s'arrêtent plus et passent le barrage. Auquel cas, les policiers et les gendarmes ont le droit de faire feu sur le véhicule pour essayer d'arrêter la personne qui ne s'est pas arrêtée au barrage. Avoir le droit, c'est une chose, mais l'exécuter, c'en est une autre. Alors ça, c'est une question de discernement, effectivement. En tout cas, ils attribuent l'augmentation du nombre de tirs cette augmentation du refus d'obtempérer. Il y a aussi, dans l'année dernière en tout cas, une augmentation qui pourrait être due à l'augmentation des tirs de sommation. Donc par exemple, tirer en l'air ou vers le sol pour faire peur à quelqu'un, pour l'empêcher d'agir, pour l'empêcher de se rapprocher d'un fonctionnaire de police ou autre. Mais on peut aussi s'interroger sur le changement de législation en France, puisque en 2016-2017, il y a eu deux lois qui ont fait un peu évoluer les conditions de la légitime défense pour les forces de l'ordre, et qui, quelque part, ont peut-être donné l'impression aux policiers qu'ils étaient en droit de tirer dans des conditions plus simples qu'auparavant. Sans rentrer dans les détails, c'est lié en partie au contexte terroriste et en partie à une revendication catégorielle des fonctionnaires de police qui demandaient à ce que les règles soient simplifié et un petit peu étendu. Revenons au Six Hour. Quand on a affaire en face à des armes de combat du type Kalash, comme il est précisé dans votre article, évidemment c'est un peu David contre Goliath. Alors est-ce que ça laisse entendre que ce Six Hour c'est la seule arme en tout et pour tout, ou bien c'est l'arme de base, et puis il faut considérer qu'il y a des ajouts par ailleurs selon les brigades? Le Six Hour, c'est l'arme standard, c'est l'arme que tous les policiers qui patrouillent dans la rue, par exemple, qui travaillent dans les commissariats, ont à la ceinture. Dans certains services spécialisés, cette arme-là est remplacée par une autre, souvent un Glock, qui est un autre type de pistolet, un peu plus petit, un peu plus discret, qui permet par exemple à des policiers en civil qui travaillent pour les brigades réservées à la lutte contre le banditisme ou les brigades de lutte contre les stupéfiants, d'avoir des armes dissimulées sous leurs vêtements qui sont moins visibles que le Six Hour. Et puis, en plus du Six Hour, il y a évidemment d'autres armes, des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs, tout un tas d'autres armes qui sont, elles, on le dit, des armes collectives, puisque ça veut dire que chaque fonctionnaire n'en a pas un qui est à lui, mais que ce sont des armes qui peuvent être emmenées dans certaines circonstances, soit pour une interpellation très compliquée, soit pour une patrouille, mais elle sera dans le coffre de la voiture et les policiers n'en feront usage que s'ils ont besoin de sortir cette arme. Camille Polony, vous le disiez, le Six Hour, ça pèse son poids. Au point que certains, peut-être d'ailleurs sont-ils nombreux, vont voir l'ostéo assez régulièrement, parce que au bout d'un moment, un poids comme ça accroché à la ceinture, ça a des conséquences. Oui, on penche un petit peu. Oui, ça peut avoir un impact sur la symétrie du corps, je dirais, puisque ça penche que d'un côté, toujours le même. Donc ça a tendance à soit décaler un petit peu le bassin, soit décaler un petit peu les vertèbres, soit faire un peu mal à la nuque. Après, c'est pas la seule raison, c'est-à-dire que là, ça crée une asymétrie, mais en plus, les policiers sont, en tout cas ceux qui travaillent toute la journée dans la rue, ont autour de la ceinture un certain nombre d'objets, que ce soit les menottes, parfois ils ont un taser en plus de leur arme de service, ils ont parfois un carnet, une lampe de poche, enfin voilà, il y a tout un tas de petits objets qui peuvent être lourd à porter pendant toute une journée. Qui avez-vous rencontré pour cette enquête, cette longue enquête? Alors pour l'instant, c'est une enquête qui est en cours, hein, puisque je vais la poursuivre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois encore. Pour l'instant, les personnages récurrents, ce sont des policiers de base que j'ai rencontrés hors du cadre administratif, sans autorisation particulière, pour pouvoir les interroger de la manière la plus libre possible. Et puis, après, j'ai rencontré les élèves gardiens de la paix la semaine dernière, j'ai rencontré un avocat qui est spécialisé dans la défense des forces de l'ordre, qui, par ailleurs, est tireur lui-même et connaît bien la question des armes à feu. Voilà, on a tout un tas de personnages, récurrents ou non, mais qui viennent être nos interlocuteurs pour une série. Pour nous donner un peu le goût, et donner le goût à ceux qui nous écoutent d'aller y voir de plus près dans votre travail, peut-être pourriez-vous nous donner un peu un échantillon d'échanges que vous avez pu avoir autour de la question de l'arme avec l'une ou l'autre des personnes que vous avez pu rencontrer. Il y a un mot quand même qui flotte là-dedans, c'est la peur. Ces gens-là, ces hommes, ces femmes, ce sont des gens qui, à la fois, incarnent l'ordre, doivent prendre sur eux, à l'évidence, à maintes reprises, comptent éventuellement sur la formation qu'ils ont pu avoir pour garder leur sang-froid au bon moment, mais être quand même interactifs, et tout ça baignant dans, des mains parfois moites. Oui, tout à fait. La peur, c'est un concept qui revient très souvent pour différentes raisons. La peur que moi, j'ai le plus ressentie en les écoutant, ces policiers-là, c'était la peur de faire une bêtise et d'aller en prison, concrètement. Ils avaient assez peur des conséquences d'un tir, pas forcément sur l'aspect blesser ou tuer quelqu'un. Évidemment que ça leur importe et qu'ils y pensent, mais quelque part, ils se disent que s'ils doivent en arriver là, c'est que la situation le justifiera et qu'il s'agira, pour les paraphraser un peu, de soit lui, soit moi. S'ils doivent tuer quelqu'un, c'est parce que leur vie était en danger. Ils n'imaginent pas, en fait, devoir faire usage de leur arme dans un autre contexte que ça. Ils ne pensent pas tellement à l'accident, et puis ils ne pensent pas, évidemment, à des violences volontairement infligées à quelqu'un d'autre s'il n'y avait pas de raison. Donc, ce qui leur fait le plus peur, c'est les suites judiciaires d'un tir. Ce qui va à rebours des représentations que l'on peut avoir, puisque de l'extérieur, on a à peu près la sensation en permanence que dès lors qu'il y a, pardon pour le mot épouvantablement anecdotique, une bavure, la bavure sera couverte, pour le dire à gros traits. Oui, et les policiers font part de cette peur, alors que dans les chiffres et dans les faits, très très peu de policiers sont poursuivis après la mort de quelqu'un. Parce que la légitime défense du policier est généralement retenue. Il y a très très peu de procès en France, et même très peu de procédures judiciaires qui sont consécutives au décès d'une personne tuée par balle par les forces de l'ordre. Mais est-ce que parce que l'institution se protège ? C'est parce que l'institution considère généralement que le policier avait raison de tirer. En fait, ce qui est compliqué, c'est que la plupart des enquêtes sur des tirs mortels de policiers s'arrêtent assez tôt. Nous, ce qu'on voit en tant que journaliste, la plupart du temps, c'est les procès. Et les procès n'aboutissent pas toujours à des condamnations, mais ils sont déjà, quelque part, dans un stade beaucoup plus avancé. Beaucoup de tirs mortels de policiers ou de tirs ayant fait des blessés font l'objet d'enquêtes qui sont, somme toute, assez rapides et qui, sur les explications du policier, les constatations sur les lieux, permettent à l'IGPN, donc le service enquêteur qui enquête en général sur ces affaires-là, et permettent au parquet de classer l'affaire sans suite. Très peu vont au procès, et au procès, les condamnations sont très rarement des condamnations fermes. C'est des condamnations qui sont assez légères avec sursis, puisque la situation est en général assez compliquée, et la justice retient que peut-être que le policier a fait usage de son arme d'une manière injustifiée, mais globalement, on considère qu'il ne mérite pas d'aller en prison pour ça. On identifie par an combien de ces cas-là ? Il n'y a pas de chiffre officiel. En termes de procès, on est sur un chiffre très très bas. Hein. Il y a moins de... Je dirais qu'il y a chaque année moins de 5 personnes qui sont tuées par balle par des policiers en France. Et bien c'est toujours trop, ça... mais c'est très peu. Oui, dans l'absolu, c'est très peu, puisque je vous avais dit tout à l'heure 400 tirs par an. La plupart de ces tirs ne rentrent pas dans le corps de quelqu'un, hein, concrètement. C'est-à-dire qu'il y a des tirs qui ratent leur cible, il y a des tirs sur des véhicules qui touchent que le véhicule et pas le conducteur. Il y a peu de morts en fait en France chaque année tués par balle en plus, puisqu'il y a aussi des morts disons attribuables à des policiers, mais qui sont des morts par étouffement par exemple pendant une interpellation. Il y a très très peu de morts par balle, et il y a encore moins de procès que de morts par balle. Délit de flic, une série de Camille Polony, relate des affaires dans lesquelles des policiers sont mis en cause. Leurs procès témoignent de leurs conditions de travail, de leur vision du monde, de l'idée qu'ils se font de leur place dans la société. Dans la nuit du 26 au 27 mai 2017, deux policiers des Lilas vont se chercher des kebabs. Jonathan D. descend de la voiture pour passer commande, laissant son coéquipier Alexandre T. derrière lui. Mais depuis le restaurant, Jonathan D. entend un brouhaha qui le pousse à ressortir. Il voit un homme au sol, son collègue debout, un attroupement d'une dizaine de jeunes autour, mauvaise ambiance. Sous ses yeux, Alexandre T. met un coup de pied dans la tête de l'homme à terre. « Je suis surpris », se souvient Jonathan D. à l'audience. « Je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis d'arrêter. » La victime, Elvis, habite au Lila. Ce noir à lunettes de 40 ans bosse dans la climatisation et s'exprime très calmement à l'audience. Ce soir-là, il avait bu plusieurs bières avant de s'arrêter dans la même sandwicherie que les policiers et patientait dehors. « J'ai vaguement entendu une voiture arriver dans mon dos, puis j'ai entendu « Monsieur, bonsoir, contrôle d'identité ». J'ai demandé pour quel motif, sans agressivité, tout à fait détendu. Ce monsieur m'a poussé par terre, J'ai eu le réflexe de protéger ma tête, puis il m'a mis des coups de pied. La version d'Alexandre T. est radicalement différente. Ivre, Elvis aurait commencé par pisser sur une roue de la voiture de police avant de lui cracher dessus en précisant « Je suis malade ». L'enquête n'a pas permis de reconstituer le début de l'altercation. Les vêtements d'Alexandre T. lavés entre-temps ne gardaient pas de traces d'un crachat. Il s'est avéré impossible de savoir si quelqu'un avait uriné sur la voiture. Les quelques gouttes de salive que le policier dit avoir reçues dans la bouche auraient fait déborder le vase. Quelques mois auparavant, une paralysie faciale inexpliquée l'avait conduit à faire le test de l'hépatite C qu'il craignait d'avoir attrapé en service. « J'ai perdu les pédales », reconnaît le policier. « Les émotions ont pris de dessus, je n'ai pas pu les contrôler. » Il fait tomber Elvis et lui met au moins deux coups de Rangers dans la tête avant d'être interrompu par son collègue. À l'audience, les policiers jurent qu'avant de repartir, ils ont vu Elvis se relever tout seul et se sont assurés rapidement qu'il allait bien. La victime fait non de la tête et les contredit. Au sol, sonné, il aurait entendu le bruit lointain de portières qui claquent et une voiture qui s'en allait. En tout état de cause, les policiers ont quitté les lieux sans relever l'identité d'Elvis, sans l'emmener au commissariat, sans prévenir les pompiers ni signaler l'incident à quiconque. C'est un témoin s'étonnant de retrouver Elvis sur le trottoir du kebab une demi-heure plus tard qui a prévenu les secours. L'histoire aurait pu s'arrêter là, d'autant qu'Elvis n'a pas porté plainte tout de suite. Sauf que le lendemain, le maire des Lilas appelle le commissaire de la circonscription pour lui signaler qu'une vidéo de quelques secondes est en train de devenir virale. Les coups de pied dans la tête ont été filmés, postés sur YouTube et relayés sur Twitter, notamment par l'Observatoire des violences policières. Le commissaire demande à ses troupes de faire quelques recherches. Ils identifient sur les images Alexandre T., l'auteur des coups. Jonathan D., qui n'a été que témoin, doit faire un rapport, puis un deuxième. Il n'avait pas mentionné les coups. Avec quelques mois de recul, le gardien de la paix reconnaît qu'il a paniqué et menti. Il n'avait que 6 mois d'expérience. Alexandre T. était son supérieur hiérarchique. « J'étais en désaccord, mais j'étais perdu, » dit Jonathan. « J'avais peur d'être mis à l'écart, de perdre ma place dans la police nationale. » Pour l'avocate d'Elvis, Louis Storr, les policiers se sont comportés comme des crapules. Sans la vidéo, jamais ils n'auraient comparu pour leurs actes. Jamais, jamais, jamais. « J'ai honte pour notre police, » démarre le procureur Loïc Pajot, qui a saisi l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, dès qu'il a découvert les images et la tête d'Elvis ballottée comme un ballon de football. « La première question que je me suis posée, » raconte le procureur, « c'est « Qu'est devenue la victime ? Cet homme est-il encore en vie ?»« C'est une chance, pour ne pas dire un miracle, » insiste le procureur. Rendu des jugements du tribunal correctionnel de Bobigny, le 18 décembre 2017. Pour les coups de pied dans la tête d'Elvis, Alexandre T. est condamné à 10 mois de prison avec sursis et une interdiction professionnelle de 2 ans, avec inscription au casier judiciaire, ce qui compromet sa carrière dans la police. Jonathan D., son collègue poursuivi pour non-assistance à personne en danger, a été relaxé. Vous allez retourner sur le terrain prochainement, là ? Oui, demain. Demain ? Vous avez rendez-vous avec... Demain, j'ai rendez-vous au Centre National de Tir, qui est situé un petit peu au nord de Paris, qui est un fort militaire reconverti en centre de tir de la police et qui permet en fait de former les formateurs au tir de la police. Est-il facile d'obtenir pour vous les autorisations ? Est-ce que vous sentez que cette institution à laquelle vous vous adressez a envie, en effet, d'une certaine forme de communication avec la cité et de transparence, ou il y a encore, mais peut-être est-ce les deux, quelques réticences ? Non, bien sûr, il y a encore des réticences. Après, sur certains sujets, il est plus facile que sur d'autres d'avoir des autorisations de reportage, par exemple. Sur le tir, pour l'instant, et sur les armes, j'ai pas eu de grandes difficultés dans mes démarches. Sur d'autres sujets, c'est beaucoup plus compliqué. Y a-t-il des portes que vous aimeriez particulièrement ouvrir pour cette enquête et dont vous savez par avance qu'elles ne vont pas être simples à ouvrir ? Oui, les portes de l'IGPN. Les portes de l'Inspection Générale de la Police qui est chargée d'enquêter sur les tirs des policiers. Merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Vous avez pu entendre Raphaël Garrigos, co-directeur de la rédaction et co-fondateur, et la journaliste Camille Polony, récemment primée par Anticor, l'association de lutte contre la corruption, pour son enquête sur la justice financière. Réécoute des podcasts sur histoirevivante.ch. Nous vous donnons rendez-vous dimanche soir sur RTS2 pour la diffusion du deuxième volet de la série sur la presse anglo-saxonne consacrée au New York Times pendant la première année de la présidence Trump. La première, 14h.